crois que je suis un bon gars, en fait moi je suis bon gars. Faire des levées de Tunis à Casablanca, coffre sur la pancarte, toi sur le brancard. Je suis rentré au quartier, on m'a dit allez motard. Comme Diago Motta, je cours vite comme Maradona. J'ai de la cote quand je vois les motards. Pour switch, je dédicace tout de suite PKF synagogue. Yo, je suis grave bien entouré par des mecs, ont tout misé sur la dounia. Aujourd'hui j'achète n'importe laquelle à pompe, j'avais pas de quoi me prendre une clé au bougna. Yo, je rentre de vacances, de ce puis je repars en vacances. Moi je prends pour les vacances, tous les jours les vacances. Moi je tape pour les vacances, les meufs et les vacances, les vacances, les vacances, les vacances, les vacances. Stop, la vie c'est simple. C'est la mort qui est compliquée. Skin, elle croit que je suis piqué, mais je vais la tromper compliqué. Nos vies sont dures mais on se plaint pas. Fils de pute, tâche que nous on t'aime pas. J'entends vos critiques dans le même pas. J'rigole tout seul, je les calcule même pas. J'ai même pas balance, sors du commissariat. Il est hors de question que je me livre. Si le rap ça marche pas, j'ouvre une pizzeria. Gros, j'ai de la farine, des 10 grammes d'olive. On prendra qui peut. L'alcool c'est de l'eau, la salade c'est de la bœuf. Si t'es un client fidèle, viens deux fois par semaine et je t'offre un morceau et un feu. Yao, yao, j'allume le four à 11h. Ne fais pas le fou, mon brother. Tu vas prendre des coups, tu vas perdre tes coups, tu vas finir à poil dans Closer. Everyday, je suis au check, les amis, t'as ce bien. Me dis fouette, machin, la gros, t'es plus comme avant. Aujourd'hui, tu suces, hier, tu sous-estimes. Et tu voulais vraiment pas que je fasse de l'avant. Tu te rappelles, fils d'up. Pas de quoi me prendre un petit stun, je voulais kiffer grave. L'été juste un peu, quand le soir je prie je fais juste un peu. Je voulais juste un peu. Minuit c'est l'heure des comptes. Un frère qui meurt, un autre qui tombe. Si tu pars au tel, tu pars au compte. On va tous partir, le temps est compté. Nos vies sont dures mais on se plaint pas. Fils de pute, tâche que nous on t'aime pas. J'entends vos critiques dans le mail pas. J'rigole tout seul, je les calcule même pas. Nos vies sont dures mais on se plaint pas. Fils de putage que nous on t'aime pas. J'entends vos critiques dans le mail pas. J'rigole tout seul, je les calcule même pas.